Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants? Comment devons-nous les éduquer, les protéger? Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus? C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire, la tête relevée et sans peur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'accueille au micro de Flamboyance la très inspirante Anne-Sophie Egwunti. Anne-Sophie est une jeune entrepreneure qui a ouvert son restaurant Merci Maman en 2019. Dans cet épisode, elle se livre sur son parcours scolaire et professionnel jusqu'à l'ouverture de Merci Maman. Enfin, elle réagit face à la polémique qui y a eu lieu il y a quelques semaines au sujet d'un article de presse qui l'accuse d'avoir accueilli la soirée d'Aya Nakamura. Elle nous explique comment elle a dû faire face à ces accusations ainsi qu'au déferlement de haine qu'elle a eu après ce bad buzz. Je vous incite donc à aller la suivre sur ses réseaux sociaux afin de la soutenir. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Janine. Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes à nos auditorices à la façon dont tu le souhaites, vraiment dans les grandes lignes, parce que du coup, on va développer ça au fur et à mesure dans les questions. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Janine Paul-Guater. J'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Inopia Cosmétiques. Alors, Inopia Cosmétiques est une marque de cosmétiques green pour le corps et de fabrication française et de bientôt, en 2021, de fabrication artisanale. D'accord. Et du coup, comment tu vas et comment tu vis ce confinement, ce deuxième confinement ? Alors, il y a des hauts et des bas, mais là, actuellement, ça va. J'essaye de me concentrer vraiment sur la période de Noël parce que c'est un peu un moment clé pour moi et surtout pour tout ce qui est produits cosmétiques. C'est le moment où on vend le plus de coffrets. Pour le confinement, bah, moi, ça a été parce que le premier confinement, moi, j'avais utilisé ce temps-là pour travailler avec une coach. Dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, je n'ai pas vu vraiment le confinement passer parce qu'il y avait beaucoup de travail. Parce qu'un petit peu avant le confinement, en fait, je sortais d'une grosse remise en question pour Inopia Cosmétiques. Et le moment où le confinement est tombé, c'était le moment où je commençais mon travail avec Morgane, qui est ma coach. Et on a pu mettre à plat pas mal de choses et de retravailler Inopia, de retravailler ce que je voulais en faire. Donc, moi, ça a été. Et le deuxième, bah, même chose. En fait, le deuxième, bah, j'ai bien compris qu'en fait, c'était tout va être maintenant communication par les réseaux sociaux. Donc, je me suis lancée. Ouais, je me suis lancée bah, un truc que j'avais faire parce que je trouvais que je n'avais pas ma place. Mais j'ai lancé, par exemple, mon TikTok durant le confinement. Ah, c'est une super bonne idée. Voilà, plus sur l'entrepreneuriat. Et effectivement, ça m'a ouvert bah, des nouvelles personnes alors, du monde entier qui sont venues sur le site Internet. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai fait beaucoup plus de vidéos personnelles où on me voyait beaucoup plus. C'est quelque chose que je ne mettais pas en avant. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal il y a un an et que cette année m'a permis vraiment de grandir là-dessus, d'être à l'aise avec mon image. Et ouais, j'ai pu renouer plus de liens avec des clients. Et durant le confinement, bah, j'ai fait ma campagne Ulule de pré-vente des nouveaux produits pour 2021 et que j'ai réussi. Donc, ouais, c'est, voilà, ça m'a plutôt aidé, je dirais, à reprendre confiance en moi et à sortir de ma zone de confort. D'accord. Ouais, moi, je suis community manager et typiquement, cette période, c'est vraiment la période idéale pour mon métier parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de travail parce qu'on ne peut communiquer que via les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je pense que c'est le moment ou jamais de développer les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Alors, sur le podcast, on aime bien connaître le parcours des invités et particulièrement faire un petit zoom en fait sur l'enfance, car beaucoup de choses se jouent à cette période-là. Et donc, je vais te poser quelques questions sur ton enfance. Quel genre d'enfant tu étais? Alors moi je suis la dernière d'une fratrie. J'ai un grand frère et deux grandes sœurs. Donc moi je suis vraiment la dernière. Moi j'ai des très bons souvenirs. Moi je m'amusais beaucoup. Alors moi j'ai 31 et mon frère va fêter ses 40 ans le 2 décembre. Donc D'accord. voilà, j'ai 10 ans d'écart avec mon grand frère, 8 ans d'écart avec ma grande sœur Nathalie et 4, 5 ans, 86, elle est née, ma sœur, 3 ans d'écart avec ma sœur Aurélie qui vit en Angleterre. Donc voilà, moi on m'appelle le bébé de la famille, donc voilà, j'ai des très bons souvenirs, donc j'ai pas vraiment beaucoup de joie, beaucoup de. Foyer, Ouais, ouais, donc super. ouais. Et t'étais plutôt soutenue dans ton parcours, dans tes projets ou même actuellement par tes frères et sœurs, comme t'es la plus petite. Alors, au niveau de tout ce qui est professionnel, oui, parce qu'en fait, ma famille, on est très soudés, en fait. Donc, très, très, très, très soudés. Donc, moi, quand j'ai dit que je voulais me lancer et créer une entreprise, toute ma famille a toujours été derrière moi, même mes amis. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là et je suis reconnaissante, c'est que je n'ai pas eu à faire. Alors, peut-être parce que je suis aussi célibataire et je n'ai pas d'enfants, ça joue aussi énormément. Mais moi, mes amis et ma famille, quand je leur ai dit, c'était les premiers à m'aider. Au moment où je devais arrêter, c'est eux qui m'ont dit non, avant d'arrêter, réfléchis. C'est eux qui m'ont poussé d'aller voir une coach pour voir quelqu'un d'un œil d'extérieur et essayer de démêler tout ça. Donc, bon, vraiment, pour le coup, je suis extrêmement reconnaissante de la famille que j'ai, qu'un coup dur, je peux compter sur eux et même sur mes amis. Ça, c'est là-dessus. Vraiment, oui, quand je vois d'autres personnes, ouais, je suis très, très, très heureuse d'être très bien entourée. Au niveau de ton éducation, comment on te parlait, comment tes parents te parlaient vu que tu étais la dernière? Est-ce que tu étais. Enfin, ils étaient plus sympas avec toi qu'avec les aînés parce que les premiers enfants, je sais que souvent, c'est pas forcément évident, mais dans les derniers, c'est toujours un peu plus cool. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Alors, oui, mais ça a été cool pour tout le monde, hein. Moi, quand j'ai discuté avec une amie d'Unicher qui a une éducation assez sévère, elle m'a toujours dit, Jalil, je crois que tu ne te rends pas compte la chance que tu avais avec ma mère. C'est que elle était exigeante avec tout le monde parce que. On est issu d'une famille protestante très formée, donc la notion du travail et de l'effort, c'est quelque chose que voilà, qui a toujours été au centre de la famille, même chez mes grands-parents et tout ça. Donc vraiment, on a toujours eu ce côté très protestant, c'est-à-dire le sens de l'effort du travail. Mais j'ai toujours eu ce truc très cool, c'est que notre mère, elle nous a laissé une certaine forme de liberté parce qu'elle nous a très vite considérés comme des individus, en fait. Typiquement, moi, je me rappelle que j'avais 13 ans, je pouvais déjà aller sur Paris. Et mes deux copines ne pouvaient pas faire. Et mes copines me disaient, mais attends, ta mère, elle te laisse. Ma mère me disait juste, je te donne l'heure, tu me dis exactement où tu vas, et c'est tout. Et effectivement, c'était ça, en fait. Et je revenais à l'heure. En fait, j'ai jamais eu ce problème et aucun de mes frères et sœurs, à part mon frère au collège qui faisait des bêtises, mais il a toujours été un bon garçon. Et c'est pas genre, il montrait une image et c'était faux derrière. Non, non, c'est comme mon frère disait, en fait, je pense que c'est le fait que notre mère nous a laissé beaucoup de liberté voilà, dans un cadre, mais on était assez libre. Et c'est vrai que pour moi, c'était hyper logique. Mais quand je vois mes copines, elles me disaient, bah non, nous, on n'avait pas le droit, quoi. Elles n'avaient pas le droit, quoi, de me donner. Aller au centre commercial, parce que moi j'habite à Bonneuil, donc le centre commercial de Créteil est juste à côté. Moi je pouvais y aller, quoi. C'était pas de souci. Ma mère était à 18h, t'es là, et 18h on était là, quoi. Donc, mais c'est vrai que ouais, non, j'ai eu cette chance-là. C'est ouais, assez libre, mais avec des règles, mais c'est la même chose même chez mes cousins, quoi. On n'a pas eu ce truc, on n'a pas eu. Pratiquement personne dans la famille a eu une adolescence un peu compliquée, rebelle, parce qu'à la base, on avait la liberté, en fait. On devait juste respecter les heures, dire où on était. et on nous laissait, quoi. Et après, c'est vrai qu'on avait cette relation où ma mère, des fois, elle pouvait partir pendant 3 semaines, nous laisser. Et moi, je me rappelle que j'étais au collège et ils étaient assez impressionnés, mes profs, parce que je leur disais, non, ma mère, elle n'est pas là pendant 3 semaines, mais si vous voulez, il y a mon frère, il n'y a pas de souci. Et mon frère, elle avait déjà 16 ans, 17 ans. Je lui ai dit, comment ça, votre mère n'est pas là? Je lui ai dit, bah, ma mère, elle n'est pas là, oui, il y a ma tante. Et elle a fait, mais il y a des gens, je lui ai dit, bah, oui, on s'en occupe, on sait comment faire la cuisine, on sait qu'il faut éteindre le gaz, on sait qu'il faut bien fermer les robinets. Et en fait, je me rappelle que j'étais en cinquième, les profs étaient regardés, fait. La fille, on sentait que tu étais mature, mais oui, effectivement, le fait que vous avez responsabilisé très, très tôt, elle a fait oui, parce que d'autres personnes, jamais un parent aurait laissé. Mais ce n'était pas le côté je m'en foutis, c'est parce que très tôt, on avait compris que, parce que ma mère, elle nous a élevés toute seule, donc elle a élevé 4 enfants. Et très vite, on s'est dit, bah non, notre mère, c'est normal qu'elle a besoin de repos. Elle élève 4 enfants toute seule, elle a besoin aussi de se reposer. Donc pour nous, c'était hyper logique, quoi. Mais je voyais bien qu'autour des gens, c'était. Mais pas de peur en disant, oh là là, elle est négligente, mais d'un air, waouh, ouais, en fait, on peut faire confiance. En fait, les gens, les professeurs, c'était vachement étonnés en disant, on peut vraiment faire confiance aux élèves quand tu leur laisses juste assez de liberté, et un cadre assez fixe, et en disant, tu peux faire ce que tu veux, tu as juste ça à respecter. Mais Mais. c'est assez marrant que tu parles de ça parce que je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps. Je me dis que souvent on dit aux enfants bah, à 18 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous aurez toutes les responsabilités d'un adulte, etc. Mais en fait, les responsabilités, il faut les apprendre plus tôt, je trouve. Parce Oui, que et du coup, ça beaucoup nous plus tôt. prépare pas à quand on va être vraiment adulte, quoi. Et Exactement. c'est un bon exemple, du coup. C'est exactement, mais vraiment pour le coup, je me souviens, c'était ma prof d'histoire, mais elle était comme ça, elle discutait avec ma mère, elle fait, mais vous n'avez jamais eu de problème? Ma mère fait, bah non. Il prenait le courrier, il mettait le côté tout ce qui est EDF, tous les trucs, tout était cadré. Et ma prof, mais vous savez qu'on a des enfants, ils ne savent même pas tout ça et tout, et le fait qu'il n'y a jamais. Mais non, en fait, ils ont fait, ah, mais finalement, oui, effectivement, si vous leur expliquez bien comment on fonctionne. Je dis, elle ne nous a pas non plus plongé dans le monde d'adulte, le côté très dur, mais juste le côté, bah, voilà comment fonctionne une maison, en fait. Tu as l'électricité, tu as le téléphone, tu as l'assurance. On savait déjà tout ça et on savait comment trier. On pouvait partir pendant 3 semaines et ça, on faisait nos devoirs. Ça ne changeait absolument rien, quoi. Et je sais que oui, je sais que ouais, j'ai toujours été très libre et pour moi, c'était normal. Mais je voyais bien que mes amis, elles n'avaient pas accès à tout ça, quoi. Je me souviens que je pouvais aller à Paris et aucun problème. Et les gens étaient en train de me dire, mais attends, tu as le droit d'aller à Paris Je fais, bah oui, je ne vais pas n'importe où non plus. Elle me dit, bah, tu peux aller là, là, là, il n'y a pas de souci, tu reviens à 18h. Et à 18h, des fois j'arrivais en retard, mais tant que ce n'était pas 2 heures plus tard, quoi. Mais non, non, j'ai toujours eu. Je sais pas, moi, pour moi, c'était une enfance un peu à la cool, quoi. Pour moi, c'était à la cool, mais pas livré à nous-mêmes dans le sens Oui, bien sûr. négatif. Oui. On avait un cadre, on était libre. Est-ce que, du coup, pendant cette période-là de l'enfance, tu as eu des femmes qui t'ont inspirée? Ça peut être des personnes très très proches de toi, comme ça peut être des célébrités, voilà, vraiment de tout. Alors, moi, c'est sûr que ma mère, elle nous a toujours inspirés, mais même mon frère, hein, qui a recherché une femme un peu comme ma mère. C'est-à-dire le côté, je peux élever les enfants, je travaille à côté, je fais, parce qu'elle est aussi présidente d'une association depuis que je suis née, donc ouais, ça fait une trentaine d'années. Et faire tout ça et le faire bien correctement, ça c'est sûr que montrer. C'est pour ça que j'ai jamais eu ce truc en disant une femme n'est pas capable. Toi, j'ai pas eu ce truc. Je fais bah non, ma mère elle le fait et mon frère aussi. T'es là. Il a cette relation avec les femmes où on est égaux et on n'a pas eu ce côté féminisme ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il était là. Bah, non, il a Évident. tout. Il a toujours eu du mal avec ce truc inférieur. Fait, bah non, non, non. Moi, quand je vois ma mère, non, en fait, et c'est vrai que ça nous a beaucoup influencé. Donc cette perception de la femme, donc on n'a pas eu ce truc. Mon frère n'a jamais eu ce truc en me disant, waouh, non, t'es une femme, tu peux pas faire ça. Pas du tout. Même côté de de mes oncles, mais je crois que c'est aussi très familial parce que dans ma famille, c'est très comme ça aussi. Dans mon grand-père avec ma grand-mère, on n'avait pas cette relation inférieure ou quoi que ce soit. Ils étaient égaux. Donc mes oncles, c'est la même chose. Ils avaient une vision qui n'était pas. Que d'autres vont dire, ah ouais, c'est un peu en avance sur son temps. Pour nous, c'était un peu logique, quoi, en fait. Donc voilà. Sinon, pour d'autres un peu plus connus, alors moi j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé et j'ai lu son livre, Le parcours de Michelle Obama. Je trouve que voilà, beaucoup de femmes peuvent se retrouver. Assez intense comme vie et pas facile hein, de ce qu'elle a vécu. Et l'autre femme que j'aime beaucoup, mais c'est une manière un peu éloignée de ce que les gens pensent, c'était l'actrice Elizabeth Taylor, que j'aime beaucoup. Mais dans le sens qu'elle a vécu sa vie comme elle le voulait, c'est-à-dire une forme de liberté totale qu'elle s'est octroyée très très vite. Et c'était une personnalité très entière en fait. Et ça, j'aime beaucoup. La loyauté et la fidélité dans l'amitié, et même au-delà de sa mort, parce que ça continue aussi au-delà de sa mort, je trouve ça vraiment très admirable, parce que c'est très rare de parler de cette loyauté sans faille, en fait. Et la loyauté, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas pour moi, qu'on ne parle pas beaucoup, en fait. Être loyal envers sa propre personnalité. Être loyal envers ses amis, sa famille et autres. Et en plus, ce côté, j'assume que j'ai des qualités, comme j'ai des défauts, je les assume pleinement. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un petit peu du mal, on veut effacer les défauts, on veut mettre plus en avant les qualités, quoi. Pourtant, on n'est pas tous, comment dire, parfaits. C'est impossible d'être parfait de toute façon. Oui, mais il y a un côté très ombre de l'être humain qu'elle assumait pleinement, que très peu de personnes à l'heure actuelle assument. En tout cas, à mon goût, je trouve qu'on n'assume pas assez. Toi, comment s'est passé ton parcours scolaire, du coup? Alors, moi, j'ai un niveau BTS, c'est-à-dire que je n'ai pas validé. J'ai un BTS esthétique cosmétique. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis hyper nulle en épilation, parce que c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu valider. C'est-à-dire que moi, je suis très douée au niveau des sciences. J'ai toujours adoré les sciences. Validé sauf tout ce qui est épilation et soins, et sauf que c'est ce qui compte le plus, ce qui est normal, c'est ce qu'on attend d'une esthéticienne. Sauf que je suis hyper nulle là-dessus. Même quand j'ai travaillé dans un spa, on arrêtait de me demander de faire des épilations parce que j'étais nulle. Nulle, mais nulle. Vraiment, les gens t'apprennent à dire, mais pourquoi t'es esthéticienne? J'ai fait, ouais, c'était le côté scientifique, j'ai adoré, donc voilà. Sinon, moi, par contre, j'ai un bac pro industrie des procédés que j'ai adoré. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des bacs pro, mais moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient inférieurs parce que le bac pro industrie des procédés, c'est un des les plus difficiles et que je l'ai eu, et haut la main en plus, et que j'ai adoré parce que c'est ce qui m'a j'ai appris le plus quoi, en termes de biologie, de physique, de chimie, d'industrie même, ce qui m'a permis d'avoir ce lien très facile avec le laboratoire. Et même le laboratoire m'a dit, oula, mais vous avez fait des études scientifiques pour que vous soyez hyper à l'aise de la façon de me dire les mots techniques tout de suite, en me disant, c'est ça que je veux. Je fais, oui, j'ai un bac pro industrie des procédures. Ah, ben, c'est pour ça, toute la procédure, vous connaissez. Je fais, oui, on peut parler normalement, je vais vous comprendre, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc moi, non, au niveau de l'éducation, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que au lycée, moi, je suis tout. Même ça a commencé au collège. J'ai fait un collège privé. Alors, je me suis beaucoup amusée, mais c'était pas peut-être pas le lieu. Mais j'ai quand même eu mon brevet et quoi que ça. Mais je me suis amusée comme une folle. Même mes amis sont issus de mon collège. Mais je me souviens que c'est en troisième que j'ai dit que je voulais créer une marque de cosmétiques. C'était en troisième. Ça Et commence je me comme ça. souviens que, voilà, je me souviens que je suis partie voir ma prof d'SVT en lui disant, bah, c'est ce que je veux faire. Et c'était en pleine réforme, parce que l'éducation nationale se réforme à peu près tous les 4 ans. Et c'était, ah, j'ai oublié, c'était STG, je crois, un truc, ou STL, pardon, c'était STL. D'accord. Et c'était un seul lycée qui était à Saint-Maur, mais il fallait habiter à Saint-Maur et tout parce qu'ils venaient juste de réformer, donc j'avais plus accès. Et je suis revenue en disant, bah, j'ai pas accès. Et je sais que j'avais pas assez les compétences pour faire S, parce que c'était beaucoup trop. Parce que j'adore les sciences, mais je suis nulle en maths. Alors D'accord. par contre, la physique, chimie, tout ça, tu peux parler, je comprends totalement. Il n'y a pas de souci. La physique quantique, j'arrive à comprendre. Alors les maths, ça me dépasse. Et je lui ai dit, elle m'a dit. Elle a réfléchi, elle est venue vers moi, elle a fait, écoute, je connais une prof qui était ma prof principale au lycée, qui s'appelait Madame Ducamp. Elle a fait, je la connais. C'est un bac pro industrie des procédés. Elle a fait, tu auras beaucoup moins de maths, mais tu auras beaucoup de la physique, de la chimie, de la formulation, tout ce qui est laboratoire. Elle a fait, ça va déjà t'aider de faire les bases, mais ça va t'éviter tout ce qui est maths. J'ai fait, oh, banco, on y va. On y est allé, j'étais acceptée parce que voilà, j'avais même si c'était bas à l'époque, mais en fait 12,9 de moyenne, c'était correct en fait pour un bac pro. Ils m'ont dit, mais bien sûr, c'est correct. Et c'est là où j'ai rencontré ben, ma prof principale. Je lui ai dit, parce qu'on devait faire chaque année deux stages, je lui ai dit, voilà, moi plus tard, je voudrais créer une marque de cosmétiques. Elle m'a dit, OK, je connais un artisan parfumeur, je te mets en stage là-bas. Et c'est comme ça, en fait. Et après, donc j'ai eu, et quand je lui ai dit à la personne, bah, plus tard, moi, je vais créer une marque de cosmétiques pour le corps, je pouvais très bien faire un stage avec tout juste des papiers et tout ça. Elle m'a dit, OK, je te mets en laboratoire. Et donc j'ai travaillé avec un ingénieur chimiste en formulation de parfum. Donc, 6 semaines de stage. On m'a appris plein de choses. Comment travailler le parfum, comment créer le parfum, qu'est-ce qu'il fallait associer. Donc, c'est eux qui m'ont appris les bases du parfum. Après, j'ai fait un autre stage. C'était au niveau dentaire. Mais ce n'était pas dans le côté très dentaire, mais c'était le côté vraiment procédé de passer de laboratoire à une quantité beaucoup plus importante. Donc, c'est ça qu'ils m'ont appris, vraiment le côté procédé, procédure et vraiment de quantité beaucoup plus importante. Même chose, j'ai beaucoup aimé. Après, quand je leur ai dit, j'ai fait bah, voilà, BTS chimie, j'avais fait la première année. Ça n'a pas du tout fonctionné. En plus, j'étais tombée sur une nana qui était raciste. Donc, vraiment, pour le coup, ça a été. Elle a tout fait pour. Voilà. Donc, je me suis barrée, j'ai fait voilà. Je suis retournée au lycée en disant, c'est pas bien passé là où j'étais. Ils m'ont dit, écoute, je connais Catherine Certain, l'école Catherine Certain. C'est un BTS esthétique cosmétique. Je connais Madame Westbecker, qui a été 3 ans ma prof principale, qui est aussi issue de la formulation, qui était une ancienne ingénieure. Elle m'a fait, je la connais, je connais ton niveau, tu vas en BTS. Et encore là, à l'heure actuelle, je suis encore en contact avec pratiquement encore mes profs et Madame Weisbecker. Et je lui dis, voilà, plus tard, moi, je voudrais créer une marque de cosmétiques. Et je me rappelle qu'elle me faisait travailler des exercices un peu de plus en plus durs. Et j'avais des heures encore en plus en termes de formulation parce qu'elle voulait m'aider à voir vraiment le côté formulation même, c'est-à-dire les tests. Les 3 tests qu'on fait quand tu crées un produit cosmétique, tu dois 3 choses que tu dois éviter, ce qu'on appelle tout ce qui est particules qui descendent, donc c'est ce que tu dois éviter, les bulles qui sont en haut, et tout ce qui est microbiologie, si tu veux, je ne sais pas si tu as remarqué sur des rouges à lèvres, tu as des petites bosses. Oui. Voilà, c'est la microbiologie, c'est les germes, en D'accord. fait. Donc, ce sont les germes, et c'est elle qui m'a appris en me disant ça, c'est 3 choses que tu dois faire hyper attention, parce que sinon, ça veut dire que ton produit ne va pas être valable très, très, très longtemps. Donc, c'est elle qui m'a mis vraiment, qui m'a donné encore plus de choses à apprendre, à intégrer. C'est assez drôle parce que ma mère et ma sœur sont très produits cosmétiques, mais elles sont très maquillage et produits de soins de visage. Mais en fait, dans les produits cosmétiques, c'est pas l'utilisation, être cliente que j'aimais, c'est vraiment le côté derrière, c'est vraiment le côté scientifique que j'aimais. Et j'aime créer des parfums. Donc en fait, c'était 2 choses que j'aimais beaucoup. Mais ce que j'ai en ma possession de produits cosmétiques, c'est très très basique en fait. Je suis pas une consommatrice, mais j'adore créer. J'adore en fait tout ce qui est la phase de création, créer un univers et créer vraiment le processus. C'est vraiment la partie des produits cosmétiques que j'adore. D'accord. Côté cliente, je ne suis pas une grande fana. Je suis très basique, c'est-à-dire vraiment les produits essentiels, mais je ne suis pas une consommatrice compulsive. Mais sinon, oui, la beauté, parce que ma mère, elle est souvent à l'église le dimanche, donc elle se maquillait, elle se pouponnait. Et ma sœur a toujours adoré le maquillage chez elle, encore maintenant, on dirait en Sephora, que la fille, elle est directrice de ressources humaines. Mais à chaque fois, les gens sont en train de dire, non, mais tu vas ouvrir une boutique. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on arrive au sujet de Inopia. Comment ça a été les débuts en fait? À quel moment tu t'es lancée? Est-ce que tu as eu des financements, des aides avec. Je sais qu'il y a beaucoup d'aides en fait pour aider les créatrices ou les autres entrepreneurs, surtout les femmes. Est-ce que tu es passée par là? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'avais décidé de me lancer vraiment dans Inopia Cosmétique après mes 3 ans chez Dr. Oshka, parce que j'avais senti faire le tour. Et donc, je voulais vraiment me concentrer sur ma vie professionnelle. Moi, j'avais commencé par Créa-Jeune. En termes d'aide, c'était tout ce qui était autour de l'ADI, donc la prime et tout ça. Ça j'ai eu. Mais c'est vrai que France Active, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais venue en disant je voudrais créer une marque de cosmétiques. Il y avait 8 personnes, dont une seule femme. Et la réponse que j'ai eue fait, je pense que c'est trop difficile pour vous, vu votre parcours, vous ne voulez pas plutôt ouvrir un spa. Donc j'ai eu, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui a été très blessant, mais c'est vraiment le côté, je suis une femme, je suis une esthéticienne, donc je ne peux pas connaître, je ne connais rien en fait. Et du coup, tu t'es battue pour ouvrir Ah ouais, mais encore maintenant. Parce ton. que les produits cosmétiques à l'heure actuelle, il y avait quelqu'un qui le disait et que c'était assez triste. C'est que c'est beaucoup de gens issus des écoles de commerce. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont issus du milieu, hein, ils ne connaissent pas. Hein. S'associer à un laboratoire, ça c'est normal, mais c'est juste qu'ils voient qu'il y a de l'argent à se faire. Mais il n'y a pas, il n'y a plus quelqu'un qui est issu de ce milieu-là et qui adore ça en fait. Donc, ouais, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, on me dit ouais, non, la dernière fois on m'avait dit aussi vous ne voulez pas vous associer avec quelqu'un. J'étais là, d'accord, ok. Quelqu'un d'une école de commerce, et je me rappelle, quelqu'un m'a dit, si possible, blanc, un homme blanc. Super. Ah non, on m'a sorti des trucs. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué pour une femme noire d'entreprendre? Alors, dans le monde de la beauté, oui, si elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire que si elle veut être créatrice d'une marque de parfum, si elle veut être créatrice d'une marque pour le corps, pour le visage. En fait, on associe encore, et malheureusement, tant qu'il n'y a pas ce travail, la beauté à la femme blanche, seulement à la femme blanche. C'est-à-dire que pour les gens, certaines personnes, je ne pouvais pas appréhender la beauté parce qu'on ne pouvait pas s'identifier à moi. Alors que je travaille au niveau du corps, alors que je suis une ancienne esthéticienne, mais de surcroît, je suis une ancienne masseuse. Donc j'ai un lien déjà avec le corps. Mais les gens ne le voyaient pas. Et donc moi, en plus d'être une femme noire, je suis une ancienne esthéticienne, je ne viens pas d'un parcours typique. Donc oui, moi, comme je l'ai dit, on m'a demandé, mais vous ne voulez pas plutôt ouvrir un institut de beauté, un spa? Sauf que je n'étais pas venue pour ça. Je n'ai pas dit que je voulais devenir esthéticienne. Donc déjà, ils m'ont dit, vous êtes sûre, réfléchissez quand même, c'est plus facile pour vous. Non. On m'a demandé de m'associer avec un homme issu des écoles de commerce et possible qu'il soit blanc. Ah, je veux dire, le nombre de trucs qu'on m'a sortis, oui. Si, je pense que on me parlerait de cette manière, quoi qu'il arrive, même si j'étais une femme blanche, esthéticienne. Je pense que en France, c'est tellement tout est codifié qu'on a du mal à comprendre qu'on doit exploser le carcan. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai ma grande sœur qui vit en Angleterre. Son mari est anglais, en pur anglais. Quand il a dit à ses collègues, non, elle a créé marque de cosmétiques, c'est une ancienne esthéticienne, pour eux, c'était mais juste normal pour les Anglais. Il m'a fait, bah oui, c'est quelqu'un qui est dans le milieu, donc forcément, à un moment donné, elle allait créer quelque chose. Pour eux, c'est juste normal. Et quand je leur dis, non, non, en France, école de commerce, ils ont fait, on ne voit pas le rapport. Il y a quelqu'un qui est issu dans ce milieu, s'il y a bien une personne qui connaît la cliente de manière vraiment, je veux dire, j'ai travaillé à Sephora et en spa, tu connais les clients, tu sais ce qu'ils attendent. Et en anglais, il va te dire, mais la personne, c'est elle qui s'y connaît le mieux. Non, et en France, non, on m'a bien fait comprendre. D'accord. Ouais, c'est un peu compliqué et moi je pense que même dans tout le côté entrepreneuriat, c'est très compliqué quand on est une femme, en plus quand on est noire ou une personne non blanche en fait. Je pense que c'est compliqué, mais du coup le fait de voir des personnes comme toi qui entreprennent et qui s'en fichent, qui se laissent pas démonter par des personnes, voilà, des banquiers, etc. C'est bien de voir ça et je pense que d'entendre ton discours, de voir que tu y es parvenu, ça motive quoi. Enfin, moi, ça me motive dans mes projets pro et tout, entendre que c'est possible, qu'il y a plein de femmes qui font ça. Donc, du coup, merci à toi pour ce témoignage parce que, en fait, on entend rarement de femmes créer leur propre marque de cosmétiques, quoi. Enfin, en tout cas, de femmes noires, j'en connais pas des tonnes, quoi. Donc, Bah, tu en super. as, mais elles vont rester encore dans le côté soit le maquillage, et on va leur dire ah oui, fais le maquillage pour les noirs parce que ils voient en fait Rihanna, mais en dehors de ça, c'est-à-dire, tu sais que je peux faire autre chose, c'est-à-dire, je ne renie pas, c'est-à-dire que moi j'ai des clientes qui sont noires, qui sont blanches, qui viennent de partout, mais une fois que tu quittes. Ce qu'on attend de toi, ah, mais non, tu peux pas en fait. Mais si, en fait, c'est la manière que tu vois la beauté, et c'est toi qui es le problème, c'est pas moi en fait. Un corps est un corps en fait. D'accord. Et moi, je trouve que du coup, il faut avoir un sacré culot, une sacrée confiance en soi pour se lancer dans ce genre de projet. Toi, comment tu fais pour avoir... Enfin, désolée, ça faisait pas partie des questions, mais Oh, du il n'y coup, a pas de j'aimerais trop souci. savoir comment tu fais pour avoir confiance en toi. De pas te laisser te démonter, enfin, comment t'arrives à faire ça? Déjà, la confiance à chaque fois qu'on me dit ça, je n'ai pas l'impression d'être hyper confiante, mais parce que j'ai des hauts et des bas. Après, moi, comme j'ai dit, j'ai de la chance d'être très bien entourée. Vraiment, si je raconte vraiment mon histoire, malgré tout ça, je pense que déjà, faut accepter les moments où tu es comme ça. C'est-à-dire, si tu dois Ouais, pleurer ça ou va crier. pas. Voilà. Moi, juste avant toi, je viens juste de m'embrouiller avec la banquière. J'ai dû sortir 15 minutes pour respirer pour que je reste focus sur toi parce que tu n'as pas en pâtir. Mais déjà, voilà, faire évacuer ma colère, ça c'est sûr. Après, ça a été le moment le plus difficile, c'est quand j'ai. Parce que j'ai eu des trucs, des sales trucs. Hein, nombre de fois que je me suis fait avoir, que j'ai perdu de l'argent que je n'ai jamais récupéré. Et je pense que ça a été l'année dernière, quand j'ai vu tout mon travail être. Où j'avais participé pour la première fois au salon de Made in France. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et à un moment donné, je me rappelle, j'étais en pleurs. Et on m'a dit, mais tu veux arrêter, tu veux faire quoi? Et tout. J'ai dit, je ne peux pas arrêter. C'est ma passion. Je ne vois pas autre chose, en fait. Parce que si je fais autre chose, je sais que je vais me rendre malheureuse. Et ça, je n'aime pas cette idée. Et je sais que je suis partie dans le sud de la France. Je suis revenue. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, il faut que je fasse le point. Et là, le confinement où je suis partie voir un coach, elle m'a dit, non, mais tu vas continuer Inopia parce que, en fait, c'est ton bébé, c'est toi, en fait. Donc, tu ne peux pas te couper comme ça. On a démêlé et grâce à ça, mes ventes ont été multipliées par deux cette année, même durant le confinement. Là, D'accord, super. j'espère juste super bien terminer l'année 2000, l'année, ça va être une jolie année 2020 pour moi. Et je pense qu'à un moment donné, oui, quand tu as la confiance, ça se travaille, mais c'est surtout quand ça ne va pas, accepte que ça ne va pas. Si tu dois frapper dans les objets, tu frappes dans les objets. Si tu dois sortir, tu sors. Mais en tout cas, tu ne restes pas dans ce truc, tu te relèves en fait. Mais avant de te relever, tu évacues. D'accord, ouais. Tu acceptes, tu l'évacues et tu vas voir, tu vas revenir. Mais cette phase-là d'accepter et d'évacuer, faut que tu le fasses. Parce que faire semblant, ça ne marche pas. Ça va te bouffer de l'intérieur. Super, c'est très inspirant ce que tu dis là. Ah, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident, qui travaillent avec Inopia avec toi ou tu es toute seule? Alors, je suis toute seule. Après, moi, je travaille avec des freelances. Mais à la base, je suis vraiment toute seule. Quand j'ai besoin, je travaille avec des freelances. Tu fais, voilà, est-ce que tu peux m'aider et tout. Et c'est des missions de 2, 3 mois. Et voilà, parce qu'il y a cet objectif et que je sais. Parce que moi, j'ai aucun problème d'accepter des choses que je ne suis pas capable de faire. Parce que pour moi, je pars du principe que chacun a son métier. Donc voilà. Donc moi, quand j'ai besoin d'un truc et je sais, je suis là très bien. Non, là, j'y arrive pas parce que je ne sais vraiment pas de ma compétence. J'ai aucun problème d'aller voir quelqu'un sur Malte et chercher et lui dire voilà ce que je veux. Je lui dis ce que j'attends de lui et voilà. Mais non, sinon, je suis vraiment toute seule. D'accord. Et en fait, c'est pas trop dur justement de travailler toute seule parce que enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas et le fait d'ailleurs d'avoir quelqu'un avec toi tout le temps, bah, ça te force finalement à avoir un cadre, à avoir des horaires, etc. où il faut travailler. Toi, ça te dérange pas du tout? Non, parce que je suis un peu solitaire comme personne. Donc, je peux très bien travailler avec des gens, ça, c'est pas le souci, mais j'ai pas ce côté j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un. Ouais, bah après c'est ouais, tu lances ta marque donc là t'es obligé de d'être responsable de toi-même, de ce que tu fais, de des moments où tu travailles et tout, enfin ouais. J'ai pas eu ce truc-là. Après, moi, je suis une lève-tôt de base. Donc, j'ai jamais eu ce problème. C'est vraiment, je me réveille toujours de manière très naturelle. J'ai jamais eu besoin d'un réveil à 7 h du matin. Je me réveille, c'est l'heure que je me réveille tranquillement. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de 7 h de sommeil. Tant que j'ai mes 7 h de sommeil, ça me va. Je sais aussi qu'il y a des moments où j'ai besoin de respirer. Si il y a des moments où je n'ai pas envie de travailler, je ne me force pas. En fait, je pense que c'est aussi le côté très esthéticienne, c'est que j'ai toujours été à l'écoute de mon corps, en fait. Si mon corps me dit non, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, bah, aujourd'hui je travaille pas. Donc j'ai toujours ce rapport à d'être à l'écoute de mon corps, mais ça, c'est mon côté très esthéticienne, quoi. Bah écoute, c'était assez intéressant comme conversation. Et en tout cas, merci Janine pour ton témoignage. Je Rien. suis sûre qu'il pourra inspirer d'autres femmes à accomplir leurs rêves. Merci à vous qui nous avez écoutés depuis le début. On espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.